Chapitre 6. Fin 2158, année Eupléenne. Le jour d'ouverture des festivités de fin d'année, Zélé prit dans un sac son baume protecteur, une combinaison de plus parmi les siennes qu'elle avait préalablement fait retoucher pour qu'elle convînt mieux à Ormaïn, légèrement élargie aux épaules, réduite de beaucoup aux hanches et aux quatre membres, et un vêtement de cérémonie emprunté à Zoukou, qui avait sauté de joie en apprenant qu'il n'aurait pas à venir, mais ne comprit pas pourquoi Zélé lui avait demandé de ne rien dire à personne, de rester enfermée dans son laboratoire pour n'être vue nulle part. Elle éveilla également la curiosité de Mimicha, quand elle lui demanda de lui faire porter sa robe de circonstance sur les lieux des festivités, puisqu'elle ne partirait pas directement du palais. « Princesse Zélé, ce n'est pas du tout le protocole. Le cortège est prêt, et nous attendons dans la cour du palais. Mimicha, Zoukou n'est pas au palais. Je dois aller le chercher. » « Princesse Zélé, nous pouvons le prendre au passage. »« Mimicha, vraiment ce n'est pas nécessaire. Nous te rejoindrons sur place. »« Princesse Zélé, pourquoi cette année serait différente? Les autres années, vous avez toujours suivi ce qui était prévu. Le cortège fait partie de l'ouverture des festivités. Les gens l'attendent. Il faut que vous soyez dedans. » insista Mimicha. « Mimicha, tu n'as qu'à mettre mon hologramme dans le carrosse. Personne ne se rendra compte de rien. » Zoukou tient en horreur ce genre d'événement. Tu as la sais. J'ai décidé de l'épargner cette année. N'ai-je pas le droit de l'écouter pour une fois? Allez. Princesse Zélé, si votre mère entendait vos paroles, je suis certaine que vous ne me dites pas tout. Mimicha, ces festivités sont dédiées à ma mère, et pourtant elle est la première à envoyer son hologramme à la place de sa personne. Mimicha ne put protester davantage. La princesse avait filé à bord d'une petite navette banalisée. La servante lança la projection de l'hologramme de la princesse sur le siège arrière droit de son carrosse, alors que déjà, celui de la reine était projeté dans la voiture. Le cortège se mit en route, la foule, amassée le long de la route depuis les grilles du palais jusqu'au cœur de la capitale, acclama la souveraine et l'héritière sans rien remarquer. Les journalistes prirent des photographies. Une fois son corps recouvert de baume protecteur, Ormaïn avait pu se glisser sans peine à l'intérieur de la combinaison. Ce baume protecteur, en plus de protéger la peau de Zélé, permettait de supporter davantage le port de la combinaison et de passer toute une journée en ville quand ses fonctions d'héritière du trône l'exigeaient. La combinaison allait comme un gant à Ormaïn. Grâce à son implant, en scannant la silhouette du Nikéen, Zélé avait pu déterminer ses exactes mensurations. Le costume de Zoukou était un peu étriqué par contre. Mais il faisait l'affaire. Le masque recouvrait entièrement le crâne, seules les deux fentes triangulaires rendant les yeux visibles, qu'aussi bien Zoukou qu'Ormaïn avaient jaune. Zélé attendait en dehors de la cabane qu'il se fût changé pour qu'il parte. Un tout sautement se fit entendre dans son dos et elle se retourna. Cela lui fit drôle de voir Ormaïn porter d'autres vêtements, être recouvert de la tête aux genoux, avec de fins collants couvrant ses mollets et ses pieds. Lui qui n'avait vécu jusque-là que ventre à l'air, son maillot s'arrêtait à l'arrondi de son torse. Zélé pensa que la tenue le mettait en valeur, mais se retint de tout commentaire. « Tu es à l'aise ?» demanda Zélé. « Je n'ai pas l'habitude d'être aussi couvert. C'est étrange, mais je pense que ça passera. Par contre, marcher avec ses sabots aux pieds... »« Tu ne peux pas te présenter nu-pied. Tu es parfait. Tout le monde n'y verra que du feu. Nous pouvons donc y aller. Grimpe. » « Et toi, tu y vas comment ?» demanda Ormaïn. « Ma servante est sur place, je me changerai une fois arrivée, » le rassura Zélé. « Ta servante ?» s'étonna Ormaïn. Zélé se sentit stupide d'avoir utilisé ce terme. Elle-même ne l'aimait pas, et pourtant, il était sorti tout seul. À force de monter un mensonge pour éviter Mimicha, avait-elle fini par la voir réellement comme autre chose que son amie ?« Mimicha, c'est ce que je voulais dire. » Je lui ai dit tellement de choses fausses dernièrement pour ne pas qu'elle me suive jusqu'à l'oasis que je finis par utiliser ces mots, même en son absence. C'est abominable. Si tu savais à quel point elle est vraiment merveilleuse, tu vas bien t'en rendre compte d'ailleurs. Tu vas la voir dans moins d'une heure. C'est une alien. Elle vient de la Terre, une planète mal développée, encore plus éloignée du centre du comète que nous le sommes. Mais ne t'inquiète pas, elle travaille pour moi et ce n'est pas une esclave ou rien de ta condition sur ta planète. Elle est libre et heureuse, c'est juste que dernièrement, j'ai essayé de me détacher d'elle. Nous sommes si proches d'habitude. » Sans transition, Ormaïn porta la conversation vers un sujet plus anodin. Il voyait bien que Zélé était peinée à l'évocation de relations houleuses avec une amie si chère. Ils embarquèrent à bord de la navette banalisée, et l'intérieur fascine Ormain davantage que l'extérieur. L'ergonomie, le confort, les commandes, les affichages, il promenait ses mains partout autour de lui. Au cœur de la capitale Zélaïdo, près de la grande place de la Reine, la princesse gara la navette dans le parking VIP, sur l'emplacement réservé à son nom, et se rendit dans sa loge pour se changer, Ormain la suivant de près. Mimichal l'attendait, la robe étant prête, soutenue par un mannequin. « Zoku, bonjour, cela fait bien longtemps que je ne vous ai vue. » Ormain, grâce à son implant, comprit ce que Mimichal venait de lui dire. La salua d'un signe de tête et s'éclipsa dans une pièce d'à côté, s'éloignant d'elle le plus possible. Zélé l'avait prévenu que Mimichal ne possédait pas d'implant et qu'à la moindre parole, elle s'apercevrait qu'il n'était pas Zoku. Princesse Zélé, Zoku est toujours aussi avare de paroles à ce que je constate. Mimicha, pourquoi changerait-il? Allons, aide-moi à m'habiller. Derrière le paravent, Zélé enfila sa robe, assistée de Mimicha qui nouait le corset dans son dos, puis attachait les différents voiles qui ornaient la robe. C'était une robe à crinoline bleu cobalt, très près du corps au niveau du bustier et élargie à partir du bas des hanches. Le décolleté n'était pas gâché par la combinaison que Zélé portait au-dessus. Une plaque hologramme reconstituait son buste comme s'il avait été découvert. Un voile noir, en résille, dessinait de grands losanges sur la jupe, et aux intersections étaient cousus des diamants taillés dans la même forme géométrique. Aucun accessoire n'accompagnait la robe, Zélé garda la tête nue, mis à part la subtile couronne de perles de rubis que ni la reine ni la princesse ne devaient retirer. Mimicha appliqua un léger maquillage sur le visage de Zélé, et enfin, elle lui posa son masque orné de diamants, qui tenait sans attache, après une légère pression sur la peau. « Zoku, nous y allons, je suis prête !» Ormain ne comprit pas la phrase de Zélé, mais avec Zoku, il sut qu'elle devait être en train de l'appeler. Mimicha leur emboîta le pas. Tous trois longèrent un long corridor où des gardes rasaient les murs. Ils escaladèrent ensuite un escalier sur lequel un tapis de velours rouge tombait en cascade, et enfin, ils débouchèrent sur l'estrade qui surplombait toute la grande place de la reine. Mimicha, qui était resté derrière eux jusqu'alors, s'éclipsa en haut de l'escalier sur la droite pour ne pas être remarqué de la foule, sa place n'était pas là. Bien qu'elle fût toujours discrète, Mimicha n'était pas inconnue du public. Tout le monde connaissait l'humaine qui avait élevé l'héritière depuis sa plus tendre enfance. Non accoutumée à de telles manifestations de foule et à des célébrations d'une telle ampleur, Ormain fut impressionnée par les acclamations qui retentirent dès qu'ils posèrent le pied sur l'estrade. Zélé s'avança. La foule s'anima davantage. Elle fit signe à Ormain de s'asseoir sur le siège qu'elle lui présentait, et elle prit place sur le deuxième siège, plus imposant, qui était disposé à gauche du plus majestueux des trois. Ce dernier était déjà occupé par une femelle dont le masque discret dissimulait à peine le visage. Pendant que la princesse saluait, Ormain dévisageait la personne au teint vert et à la peau sèche et ridée. Elle avait des traits sévères et l'allure digne, portant la même fine couronne de perles de rubis que Zélé. Son visage lui paraissait familier, mais il ne savait pourquoi il avait cette impression. S'il avait mieux contrôlé son implant, il aurait immédiatement pu faire une recherche sur le Rézarque et obtenir une réponse. Pour éviter d'être remarqué par son parler, Ormain eut l'idée de s'adresser à la princesse via son implant. Il ne douta pas que Zélé y eût tout de suite songé, mais il venait tout juste d'être implanté et il lui faudrait du temps avant que le recours à ce gadget ne devint un réflexe, si jamais il en devenait un. Connexion. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demanda Ormain sur l'implant. Les festivités, voyons. Que tu as réussi à me contacter. Tu as bien retenu comment tu t'y es pris cette fois? Lui demanda Zélé. Je crois, oui. Je ne te parle pas des festivités, mais qui est cette femelle à côté de toi? À côté de moi, c'est ma mère, la reine Zinouma. Tu ne l'as pas deviné? Voilà donc pourquoi son visage m'était familier. J'ai vu ta mère sur le Rézarque, dans les informations sur le Pléas que j'ai pu rechercher. Mais malgré ce que tu m'as dit, je n'ai pas assimilé son visage comme étant celui de ta mère. Je ne m'attendais pas à la voir, enfin, pas à voir ce visage. Tu es étrange, je ne suis pas certaine de te comprendre, lui disait Lé. Maintenant que j'y pense, quand je me suis renseignée sur ta planète, je n'ai pas vu de photographie de toi. Je ne me rappelle pas t'avoir vue, lui dit Ormain. Le maquillage officiel, sans doute. Sur le réseau, mon hologramme transmis a le teint verdi et est maquillé à la mode du pléen, alors qu'en réalité, je ne me farde jamais de la sorte, lui disait Lé. Fin de connexion. Ormaïn porta son attention sur les écrans géants qui diffusaient l'image de l'héritière saluant la foule. La personne qu'il y voyait et celle qu'il avait à ses côtés ne se ressemblaient pas vraiment. Les statures étaient identiques, ainsi que les tenues, mais là où il voyait une peau bleue luisante chez Zélé, les écrans retranscrivaient une peau verte et sèche, et même un regard d'or au lieu d'yeux habités par des saphirs. Zélé prononça un discours très convenu, mais non dénué d'une certaine éloquence. L'hologramme de sa mère resta assis et silencieux. Ceci n'était uniquement dû qu'au manque d'intérêt de la reine pour ses festivités. Son hologramme aurait très bien pu s'animer, se lever et venir déclamer un discours qu'elle aurait récité depuis son implant, en direct ou en différé. 2 heures passèrent. Ormaïn trouvait le temps long sur son siège. Quelques journalistes étaient venus demander la permission de prendre des photographies du couple, et ils avaient gentiment posé, gardant tous deux leurs masques. C'était presque une seconde nature pour Zélé de sourire et d'adopter un air naturel alors qu'Ormaïn était presque pétrifié, ne sachant que faire de ses mains et de son corps tout entier. Il n'était plus nécessaire de présenter Zoku à la presse. Tout le peuple upéen le connaissait. Cela faisait tellement d'années qu'il se rendait aux événements officiels au bras de Zélé. Il n'y avait qu'à la cérémonie d'implantation qu'il n'avait pas assisté, puisque le jour était annoncé sans préavis. Il n'aurait pu être dans le temple qu'à condition de s'être trouvé au palais quand l'annonce avait été faite. Son absence avait à peine été remarquée et pointée du doigt nulle part dans la presse. Les journalistes étaient trop occupés à faire l'éloge du stoïcisme de la princesse. De plus, comme aucune annonce officielle n'avait été faite sur la véritable raison de la présence de Zoku aux côtés de Zélé, aucune remarque n'avait à être formulée. Tout le monde se doutait bien que si le jeune Upléen était là, c'était en vue d'un mariage à la majorité de la princesse, ou juste avant son accession au trône. La coutume voulant que l'héritière fût mariée avant de devenir reine. Bien que ce ne fût pas une obligation, très peu de reines avaient osé le couronnement en célibataire. Connexion. Allons-nous rester assis jusqu'à ce que tu te décides de partir? Que proposes-tu? Demanda Zélé. M'accorderais-tu cette danse, princesse? Fin de connexion. D'un regard et surtout d'un sourire, Ormaïn avait obtenu la réponse à son invitation. Il tendit sa paume ouverte à Zélé qui mit sa main dans la sienne et ils se levèrent en même temps. Ils descendirent avec légèreté et grâce l'escalier qui menait à la grande place, où la foule éclectique dansait. Un cercle se fit autour d'eux, les gens s'écartant en les observant. Ils se lancèrent dans une danse élégante, épousant le rythme de la musique jouée par un orchestre placé en contrebas de l'estrade royale, et bientôt les badauds se resserrèrent sur eux, pour qu'ils fissent enfin partie intégrante de la foule dansante, comme de simples citoyens. Connexion. Nous avons la même danse sur Nikéas. Tu la danses sans difficulté, je constate. Je suppose que sa simplicité la rend universelle, lui répondit Zélé. Il y a beaucoup d'espèces différentes présentes, non? Fit remarquer Ormaïn. Les festivités de fin d'année du Pléas sont connues dans le comète et même recommandées par certains guides touristiques. C'est la période de l'année où nous avons le plus grand afflux de touristes. Pourquoi as-tu la peau verte sur les écrans? Demanda Ormaïn. C'est une correction d'image automatique, peu importe ce qui est filmé, tout est retouché. Comme je n'ai pas une parfaite peau de Nifienne, les caméras la corrigent pour moi, lui expliqua Zélé. Ça ne dérange pas le public? Demanda Ormaïn. La plupart ne sait même pas que ma peau est bleue, lui indiqua Zélé. Il le voit bien en ce moment, fit remarquer Ormaïn. Détrompe-toi. Tous ceux qui sont présents avaient peut-être leur tête tournée dans ma direction, mais ils ne me regardaient qu'au travers des retransmissions sur le Rézarque. Pas avec leurs vrais yeux. Fin de connexion. Au travers des fentes triangulaires de leurs masques, la concentration de Zélé pour effectuer ses tâches complexes s'était nettement relâchée et elle ne participait plus aux débats politiques auxquels elle assistait simultanément. Elle enregistrait les conversations et les traitait plus lentement, sans presque y prêter attention. Elle n'avait d'yeux et de pensée que pour son cavalier qui la fixait du même regard intense. La liaison de leur implant s'était coupée. Ils n'avaient rien à se dire, ils profitaient simplement de la danse et de l'instant présent. Même si leur balai aquatique dans l'étang avait déjà reflété un certain jeu de séduction, ils ne faisaient que nager l'un autour de l'autre, se frôlant sans jamais se toucher, l'eau formant un voile indéchirable. Une séparation entre leurs corps. Sur la grande place de la reine, au milieu de cette foule amassée, ils étaient main dans la main, leurs corps en parallèle, l'air ne pouvant matérialiser aucune barrière comparée à l'eau, et chacun pouvait ressentir la chaleur du corps de l'autre. Un flash surprit Zélé. On venait de les photographier en train de danser. Les journalistes jusque-là étaient restés près de l'estrade, mais l'un d'eux, plus téméraire, avait décidé de venir faire un portrait du couple. La princesse pensa à Zoku. Depuis toutes les années où il l'accompagnait aux festivités de fin d'année, ils n'avaient jamais dansé ensemble. Quelques mâles invitaient parfois l'héritière à danser, et il leur laissait volontiers le champ libre. Elle savait déjà l'effet que produirait leur slow lascif sur la presse. Dans quelques minutes, la une ne parlerait que de cela, de la preuve irréfutable confirmant les rumeurs jusqu'ici infondées d'une relation intime entre la princesse zélée et Zoku, fils de comte. Elle avait grandi avec lui, ils s'étaient rencontrés à 10 ans, et s'étaient tout de suite bien entendus. Ils n'avaient pas forcément les mêmes goûts, ils ne partageaient pas les mêmes passions, mais le courant passait. Zoku n'était pas contrariant, il acceptait tout de bon cœur ou avec indifférence. Allait-elle devoir l'épouser? Toutes les reines ubléennes se mariaient avec un époux qu'elles avaient choisi. Il n'y avait que la reine Zeninouma qui avait créé ce mythe du roi fantôme, ne servant que de géniteur et n'intervenant en rien dans les affaires du gouvernement. Elle se rassura en se disant qu'elle avait encore bien des années devant elle. Sa mère ne risquait pas de quitter son trône d'ici une 8aine d'années et plus. La reine était en parfaite santé, et même en cas de maladie, Zélé imaginait mal le peuple voter pour une succession prématurée. Et cela la rassurait beaucoup. Elle n'était pas pressée de prendre la place de sa mère sur le trône. De multiplier par 5 fois minimum tout ce qu'elle accomplissait au quotidien pour le royaume, et ne vivre plus que pour cela. C'était son rôle, ce pourquoi elle était née. Mais elle n'était pas sûre de le vouloir. Elle n'avait jamais songé à son avenir auparavant, suivant simplement le protocole et la destinée imposée par sa condition. Et puis Ormaïn avait fait irruption dans sa vie. Était-elle obligée de régner sous le simple prétexte qu'elle avait été conçue dans ce but? Connexion. Alors, où sont les Upléens dans cette foule masquée et multiraciale? Demanda Ormaïn. Tu exagères un peu, non? Je veux bien qu'il y ait beaucoup d'espèces différentes, mais la majorité est upléenne et beaucoup ne portent pas de masque, lui répondit Zélé. Je ne vois personne, insista Ormaïn. Est-ce ton masque qui te rend si aveugle? Tu as un couple à l'ouest, juste à côté de nous, plusieurs au nord, tu n'as que l'embarras du choix, lui répondit Zélé. Non, mais... Ormaïn ne comprenait pas. Quoi? Lui demanda Zélé. Tu es bien sûr, mais il ne porte « Mais ils portent des masques !» dit Ormaïn. « Pas ceux que je t'ai indiqués !» lui dit Zélé. C'est le peuple upéen, ça ?» essayait de comprendre Ormaïn. « Oui, qu'est-ce qui te pose problème, enfin ?» Fin de connexion. Leur danse était stoppée, ils se fixaient sans communiquer davantage via leur implant. Ni l'un ni l'autre ne se sentaient capables de continuer à parler ainsi. Ils avaient besoin de s'exprimer de vive voix. Ormaïn n'était pas assez à l'aise avec son implant U pour continuer davantage, et Zélé, qui jusque-là n'avait jamais éprouvé de gêne à parler à qui que ce fût via leur exarque, préférait les discussions réelles avec son partenaire, désirant lire ses émotions sur son visage, voir ses lèvres murmurer. Ils se détachèrent de la foule, regagnèrent l'estrade, et s'assirent sur leurs sièges respectifs, l'hologramme de la reine ayant pris entre-temps une autre position. Le silence ne dura pas une minute. Zélé eut une idée. Elle colla un petit rond noir sur l'accoudoir de son siège et tira Ormaïn par le bras. Ils s'éclipsèrent discrètement des festivités. « Où allons-nous ? » demanda Ormaïn. « Si tu veux pouvoir admirer des Upléens à foison sans déguisement, le mieux c'est encore d'aller dans la rue, » lui répondit Zélé. « Tu veux dire, maintenant que je t'ai sorti de l'oasis, autant aller jusqu'au bout. »« Tu n'es pas censé assister à la fête plus longtemps ?» s'étonna Ormaïn. « Mon hologramme s'en charge à ma place. » Il n'y a que toi qui as disparu. Ormaïn jeta un coup d'œil en arrière et vit une zélée à la peau verte se matérialiser là où elle avait appliqué la pastille. Ils empruntèrent les coulisses pour sortir en douce, et Zélée débarbouilla son visage du maquillage que Michel lui avait étalé sur la figure, dans sa loge, et enfila par-dessus sa combinaison, une tenue décontractée et chic, alors qu'Ormaïn se contenta de retirer. Ses collants et ses sabots. La grande place de la reine était située au cœur même de la capitale, au pied sud de la colline du temple, et c'était là qu'était regroupée toute l'activité de la capitale. Les hauts buildings modernes semblaient monter jusqu'au ciel, vu d'en bas. L'architecture variée, à la fois contemporaine et ancienne, trouvait une certaine harmonie dans ces bâtiments. Zélaïdo était construite en forme de spirale. Le centre-ville comportait les bâtiments les plus hauts, et plus on allait vers l'extérieur, plus les constructions étaient basses. Ainsi, lorsque l'on se trouvait aux portes de la cité, on pouvait en admirer l'ensemble sans qu'un monument en cachât un autre. C'était ce que Zélé préférait. Des fenêtres du palais, elle était en mesure de tout voir. Ormaïn, lui, n'avait vu la capitale que depuis les photographies et vidéos disponibles sur le Rézarque. De son oasis hermétique, au dôme obstrué par la végétation écernée de dunes, il n'avait rien pu voir du monde extérieur. Enfin, il y mettait les pieds dans un endroit neuf. Il avait l'impression de débarquer sur une troisième planète. Il n'y avait plus rien de comparable en ces lieux qu'il foulait pour la première fois avec ce qu'il avait connu jusqu'ici. Ses pieds arpentaient un sol ferme, couvert de dalles aux couleurs différentes selon les quartiers où il se trouvait. Le temps passait, et pourtant les enseignes des magasins ne s'éteignaient jamais dans cette ville insomniaque. « Tu peux retirer ton masque, tu verras mieux !» lui indiqua Zélé. Zélé, en pantacourt et débardeur, laissait clairement apparaître sa combinaison, marchant avec grâce, le visage découvert de son loup, sans que personne lui prêtât une attention particulière. « Ils ne te reconnaissent pas ?» s'étonna Ormaïne. « Je te l'ai dit, ils ne me connaissent pas mon visage. » Ils ne connaissent mon visage qu'au travers des photographies hologrammes officielles que l'on diffuse de moi. Et sur aucun d'eux, je n'ai le visage bleu et la peau luisante. Tu veux dire qu'ils ignorent ton vrai visage? Tout à fait. Et ta mère, la reine, quel visage a-t-elle alors? Celui que tu as vu. Son hologramme n'est pas trafiqué, ou très peu. Pourquoi le tien l'est dans ce cas? Demanda Ormaïne. Parce que contrairement à ma mère, j'ai une maladie de peau, ma maladie est secrète et peu glamour. Seule la doctoresse officielle du palais est au courant. Si jamais la population savait que j'ai une maladie incurable, elle penserait que je suis condamnée et que je ne serais pas en mesure de succéder à ma mère. Ça aurait sans doute été le cas si j'étais née 17 ans plus tôt, les implants n'existaient pas et il m'aurait fallu me déplacer physiquement. Je n'aurais pas pu passer autant de temps à l'oasis pour satisfaire les besoins de mon organisme. À notre époque, je peux tout gérer depuis mon implant U. Rien ne m'empêche de remplir mes fonctions à la perfection. Sans retenue, ils allaient de boutique en musée. Ils visitaient tout ce qui attirait l'attention d'Ormaïne. Ils se couraient l'un après l'autre, riaient aux éclats, s'échouaient sur un banc au détour d'une allée dans un parc. Ils passaient du temps ensemble, au milieu de la foule, comme deux amis normaux qui n'auraient rien à cacher de leur véritable condition. Au milieu de toutes les espèces de la galaxie représentées dans les rues des villes upléennes, qui pourrait soupçonner qu'Ormaïne arrivait tout droit d'une planète peuplée d'habitants dont l'espèce n'était répertoriée nulle part. La foule était sa sécurité, sa garantie d'anonymat, tout comme pour Zélé. Les artistes se donnaient librement en spectacle, ou présentaient leurs œuvres au coin des rues, ou sur les boulevards. Ormaïne interrogeait Zélé sur les espèces auxquelles appartenaient les animaux qui croisaient leur chemin, ou qu'ils voyaient s'ébattre dans les parcs. Sur une place, ils passèrent devant un stand de militants, revendiquant des droits d'égalité pour... Pourquoi ou qui? Ormaïne n'eut pas le temps d'entendre davantage ce que disait celui qui était au micro. Zélé lui prit le bras et accéléra l'allure. « Attends, c'est étrange, ça m'intéresse, je voudrais les écouter !» intervint Ormaïne. « Ce sont des illuminés, Ormaïne. »« Des illuminés ?» Un des militants distribuant des tracts aux passants rattrapa Ormaïne et marcha à sa hauteur pour l'interpeller et le stopper. « Mec, ne te laisse pas faire, ne la obéis pas. Elle n'a aucun droit sur toi. » Avec son implant, Ormaïne comprit ce que le militant lui disait. L'upléen était immédiatement traduit dans sa langue grâce au dictionnaire que Zélé avait créé. Seulement, il ne pouvait lui répondre. Même si le militant était implanté, il n'avait pas l'application nécessaire à la traduction de la langue parlée par Ormaïne. Femelle, tu l'as si bien dressé qu'il n'ose pas me répondre. Tu n'as pas le droit de décider pour lui. S'il veut m'écouter, il en a tous les droits. Dit le militant à Zélé. Militant, tout ce que vous avez à dire ne m'intéresse pas. Pourquoi écouterais-je un mal élevé qui ose me tutoyer? Sans me connaître. Je sais ce que vous tous voulez. Vous ne l'aurez jamais. Vous seriez prêt à demander l'extinction de la dynastie des Zé pour satisfaire vos souhaits puérils de soi-disant égalité. La reine Zeninouma et l'héritière Zélé ne vous laisseront jamais faire. Le peuple aime notre reine et personne ne suivra jamais vos idées anarchistes. Lui lança Zélé. Passante. Vous serez vous voyez si vous le y tenez tant. Vois nous appeler anarchistes uniquement parce que vous pensez qu'un roi serait incapable de régner. Lui répondit le militant. Militant, elle n'est pas question de la pensée, c'est une évidence, lui lança Zélé. Passante, vous oserez nier que le roi Lekéfem a davantage gouverné que la reine Zéam? Nous savons tous que son état de santé l'empêchait de régner et que le roi prenait les décisions pour elle. Militant, rien de ce que vous dites n'a jamais été avéré, et vous oubliez bien sûr que les rois ont déjà eu leur chance et que bien évidemment ce fut un désastre. Quand le roi Kuaido fut autorisé à régner après la mort de la reine, et en attendant que l'héritière soit assez âgée, Vin nous conduisit presque tous à notre perte. Heureusement que sa fille, la reine Zélaïdo, très vite mature, put le remplacer et rattraper toutes ses erreurs. S'emporta Zélé. Passante. Vois-nous sortez toujours la même histoire, parce que vous n'en avez pas d'autre, et vois parler du début de notre ère. Plus d'une trentaine de générations ont vu le jour depuis, répondit le militant. Militant, et depuis toutes ces générations, nous vivons en parfaite harmonie. Tout cela, nous le devons à nos reines. Les mâles qui réclamaient qu'un roi soit nommé ont eu ce que Ville demandait avec Kouaïdou. Et nous avons vu le résultat. Des reines ont toujours régné, et nous avons aussi vu le résultat. Vous avez eu votre chance, et vous ne supportez tout simplement pas d'admettre votre incompétence décisive innée. Ormaïn avait suivi la conversation muet et éberlué. Il entendait parler Zélé comme jamais il ne l'avait entendu parler. Elle lui avait toujours semblé ouverte et tolérante. Il n'en croyait pas ses sens auditives. Avant de s'éloigner, le militant mit un tract dans la main d'Ormaïn, alors qu'il était entraîné par Zélé, l'air impuissant. Ormaïn parcourait des yeux le papier. Même s'il n'avait pas appris à lire, son implant aurait pu interpréter ce que son air optique captait et traduire le texte dans sa langue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ces gens demandent un roi à la place de votre reine ? S'informa Ormaïn. Ils veulent que si un héritier mâle vient à naître, il puisse succéder à sa mère. Cela n'a aucun sens. Cela mettrait fin à l'immense dynastie d'Aizé, lui répondit Zélé. Pourquoi n'es-tu pas d'accord ? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ? Lui demanda Zélé. Oui, enfin tu as parlé d'un roi qui a mal gouverné, tenta Ormaïn. Mal gouverné ? Il n'a pas mal gouverné. Il nous a tout simplement ramenés à l'âge de pierre. Toute notre civilisation s'est écroulée à cause de lui. Sa fille Zélaïdo l'a détrôné et nous a remis debout. Elle a bâti cette cité, notre capitale, qui porte son nom. La princesse fulminait quand elle évoquait le roi Kouaïdo, et sa voix changeait de ton. Un infini respect y résonnait quand c'était de sa fille Zélaïdo qu'elle parlait. Ormaïn était toujours intrigué et désirait continuer cette conversation, même si elle n'était pas des plus agréables. Mais le militant avait l'air de dire que cette histoire remontait à longtemps, tenta de comprendre Ormaïn. 39 générations pour être exact. Notre an zéro correspond au couronnement de la reine Zélaïdo. Et c'est quelle année maintenant ? 2158 ? Nous passons à l'année 2161 dans 3 jours, oui, lui répondit Zélé. Tu ne penses pas qu'il serait temps de passer à autre chose ? Pourquoi penser que tous les héritiers mâles seraient de mauvais rois parce qu'un seul l'a été ? Lui demanda Ormaïn. Voilà pourquoi je ne voulais pas que nous stoppions et que nous parlions avec cet énergumène. Maintenant tu vas croire toutes leurs énormités, lui lança Zélé. C'est vrai que je n'y connais pas grand-chose en politique et je n'ai jamais pensé qu'il n'y avait de différence entre un sexe et un autre, que l'un valait plus que l'autre, tenta d'expliquer Ormaïn. Ormaïn, tu ne connais ni notre histoire, ni notre espèce. Tu ne peux pas juger. Je ne te juge pas, toi, et je ne t'estime pas inférieur à moi, nous sommes tous égaux. Et je ne te crois pas incapable de gouverner. Je ne connais pas l'espèce qui est la tienne. Mais crois-moi quand je te dis que les mâles de mon espèce ont des capacités limitées. La plupart acceptent leurs conditions et vivent en étant parfaitement heureux. Et quelques illuminés qui ont du temps à perdre vont chercher des problèmes où il n'y en a jamais eu. Comme si ma mère n'avait pas assez de soucis. Ormaïn restait sceptique devant, mais n'étant pas plus informé sur le sujet, il préféra se taire plutôt que d'envenimer les choses et de manquer d'arguments face à Zélé qui ne risquait pas d'en être à court. À 1 heure avancée, correspondante à la seconde phase de sommeil habituelle de Zélé, la princesse prit Ormaïn par la main et le tira à l'intérieur d'une rue troglodytique, s'enfonçant dans la colline centrale de la cité, sous le temple. Il aurait dû y faire noir, comme dans un four, mais tout y était illuminé, comme dans le quartier d'une ville de nuit. Dans les rues troglodytiques, il n'y a presque que des Upléens. Les gens viennent ici car l'air est moins chaud, c'est bien plus supportable, indiqua Zélé. En effet, la composition des badauds se fit de moins en moins variée, et une espèce ressortait en nette majorité. La rue qu'ils avaient empruntée n'était qu'une parmi des centaines d'autres qui composaient cette fourmilière géante au cœur du cratère complexe. Ormaïn resta longtemps à regarder les passants sans rien dire, hésitant à émettre le moindre commentaire, se disant que peut-être, avec la pénombre, sa vue lui jouait des tours, ou bien qu'il ne regardait pas au bon endroit. Mais, tenta Ormaïn. Quoi encore ? Tu veux des Upléens ? Je t'en donne ! Lui répondit Zélé. Tu parles de ces gens-là ? Là ? Donc le militant de tout à l'heure était un Upléen ? Demanda Ormaïn. Pour être sûr de bien se faire comprendre, Ormaïn pointait indiscrètement en direction de la foule. Quelques personnes lui jetèrent un coup d'œil, intriguées, rien de plus. Évidemment, les masculinistes sont tous des Upléens. Aucune autre espèce n'a rejoint leur cause perdue. Sinon, oui, je te parle bien d'eux. Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? S'énerva Zélé. Ce sont les mêmes qu'aux festivités de tout à l'heure. Leur peau est si verte, si sèche, si ridée, Et leurs yeux sont jaunes sans exception. » Essayait de comprendre Ormaïn. « Oui, et alors ?» Ormaïn comprit facilement que Zélé était irritée, à en juger par le ton sur lequel elle venait de lui répondre, et c'était bien ce qu'il avait eu peur de faire. C'était pourquoi il s'était retenu de tout commentaire dans un premier temps, mais là, maintenant qu'il avait abordé le sujet, il n'allait plus le lâcher. « Je veux dire, il y a aussi des femelles que des mâles parmi eux. »« Oui !»« Donc ce ne sont pas que les mâles qui ont cette apparence, ils sont tous ainsi ?»« Tu tournes en rond avec tes phrases, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire ou de ce qui te pose problème. » « Il est très tard, tu vas finir par te déshydrater, même en étant ici. Je vais te reconduire, » lui répondit Zélé. À bord du véhicule de Zélé, ils étaient tous les deux nerveux. Ormaïn ne cessait de fixer Zélé, brûlant d'envie de lui poser ses questions, et elle fuyait désespérément son regard mal à l'aise. « Quoi ?» Zélé lança un regard étincelant de colère et de reproche à Ormaïn, ne supportant plus tous les coups d'œil qu'il lui adressait et sachant très bien ce qu'il allait lui dire. « Je trouve ça tellement bizarre que j'ose à peine te poser mes questions. »« Bien, vas-y, n'hésite pas. »« Mais enfin, la couleur de leur peau, de leurs yeux. »« Et alors ?» lança Zélé énervée. « La tienne est bleue, » lui répondit Ormaïn. Tu ne leur ressembles pas. Tu ne vas pas me dire que vous êtes de la même espèce. Tu m'as bien dit que tu avais une maladie de peau. Bon, d'accord. Mais ce n'explique pas tout. Enfin, ils ont tous les yeux jaunes, la peau ridée, ils sont avachis. J'en ai pas vu une seule qui se rapproche de ta taille. » Tu as les yeux bleus, la peau tendue, tu te tiens toujours droite. En te voyant à mon arrivée, j'ai cru que j'étais chez moi. Enfin, pas chez moi, dans un endroit que je ne connaissais pas, mais toujours sur ma planète. Je ne pensais pas être ailleurs, dans un autre monde habité par une autre espèce. Tu me l'as appris et je me suis demandé si toutes les espèces de l'univers ou de votre comète étaient comme la mienne et la tienne, comme nous. Bafouillait Ormaïn. « Non, il n'y a pas d'autre comme la tienne. Sinon, j'aurais pu donner un nom à ton espèce en te voyant, mais mon implant n'a ressorti que Nifien, ce qui n'est pas possible puisque c'est mon espèce, » lui expliqua Zélé. « Tu veux dire les peaux vertes ?» répondit Ormaïn. « Je suis une peau verte, comme tu dis. J'ai une maladie de peau qui me donne un aspect différent, d'accord ? Je te l'ai déjà expliqué pour l'amour de la reine. Je suis née ainsi. Je sais que je suis bizarre, merci de me le rappeler. » Personne n'a jamais trouvé ce que j'avais, c'est comme ça, je vis comme je peux avec, expliqua Zélé. Tu as plutôt l'air en bonne santé pour quelqu'un de malade, conclut Ormaïn. C'est grâce à l'oasis, elle me régénère, ma peau a un besoin constant d'hydratation. Ma mère l'a fait aménager pour moi pour que je puisse m'y rendre chaque jour et passe du temps afin de guérir de toute cette journée passée en dehors et tout le mal que ça a pu me causer. Même l'air de mes appartements au palais est humidifié et... Navré, je ne voulais pas te faire de peine et t'exacerber, mais si j'en crois ce que tu dis sur ta maladie, j'aurai la même. Pardon ? S'étonna Zélé, interloqué. Eh bien oui, il semblerait que je souffre des mêmes symptômes. J'ai la peau bleue luisante, j'ai besoin d'eau, je ne supporte pas de sortir de l'oasis, le soleil de plomb de cette planète et son atmosphère asséchée me tue. Oui, mais toi tu n'es pas chez toi ici, lui lança Zélé. Les propos de Zélé frappèrent Ormaïn. Il resta là, à la regarder sans rien dire, s'égarant dans ses réflexions. Il n'était pas chez lui ici, il ne supportait pas ce climat, et si l'implant de Zélé lui avait retourné qu'Ormaïn était un Nifien, c'était sûrement dû à sa ressemblance physique évidente avec son espèce à elle. Son anatomie et celle des Upléens étaient similaires. Il ignorait de quoi ils étaient composés, quels organes les constituaient, mais leur enveloppe charnelle était la même que la sienne, mis à part que leur peau était verte, sèche, ripée. Ils étaient aussi plus maigres, apparemment, s'il en jugeait par ceux qu'il avait vus dans la foule. « Oh, et tu n'as pas les yeux bleus ?» lui lança Zélé. « Chez moi, tous les mâles ont les yeux bleus. Seules les femelles ont les yeux d'autres couleurs. Mon épouse Xenia a les yeux roses. Je t'ai dit que ma planète s'appelait Nikéas ?» lui lança Ormaïn. « Oui, tu passes du Visvisténu au Bolbolco, toi !» s'exaspéra Zélé. « Tu m'as dit qu'il y avait une autre planète dans ton système solaire. » tenta Ormaïn. Oui, répondit Zélé. Et quel est son nom? On la surnomme la planète Émeraude, mais pourquoi me parles-tu de ça? Je t'ai dit que ce n'était pas ta planète. Cette planète n'est qu'un gros caillou désert et brumeux, expliqua Zélé. Et moi, je pense qu'il s'agit de ma Nikéas. C'est ridicule. Je viens de te dire que... Ormaïn l'interrompit tout de suite. Je t'ai dit que je n'avais pas voyagé longtemps. Tu ne veux pas me croire, mais j'en suis certain. Du peu que nous connaissions en astronomie, nous observons une seule autre planète en rotation autour de notre étoile, tu as raison. Je ne suis pas chez moi ici. Et toi? lui demanda Ormaïne. Quoi? Tu me ressembles plus que tu ne leur ressembles à eux. Tu ne souffrirais pas des symptômes de ta maladie si tu vivais sur une planète comme la mienne, à longueur de journée. Tu n'es pas malade, ce climat ne te convient pas, c'est tout, lui expliqua Ormaïne. C'est ridicule ce que tu dis, je suis née ici, je n'ai pas à me justifier, s'énerva Zélé. Je pense aussi autre chose, lança Ormaïne. Allons bon. Je suis certain que si tu ne venais pas dans l'oasis plusieurs jours, ta peau s'assécherait. Bah, bien sûr, lui répondit Zélé, et que tu deviendrais comme n'importe laquelle de tes concitoyennes. Et tous les autres, ton peuple, ne sont-ils pas comme toi? Demanda Ormaïne. J'en ai assez entendu, tout cela est ridicule. Tout à l'heure, avec le militant, je me disais que je ne t'avais jamais vu aussi fermée. Mais c'est faux. Quand j'y repense, à chaque fois que je parle de notre ressemblance, tu t'offusques et tu coupes court à la conversation. Pourquoi est-ce que ça te gêne tant que nous nous ressemblions? Lui demanda Ormaïne. Parce que tu sors des énormités et que tu ne t'en rends pas compte. Tu viens d'un monde inexistant. Tu ignores que d'autres planètes sont habitées et tu crois avoir fait une découverte. Sous prétexte que nous avons la même morphologie, la même couleur de peau, nous devrions être congénères. Eh bien maintenant que tu es implanté, je t'invite à chercher ce que sont un loblobco et un larien. Ce sont deux espèces bien distinctes. La première vit dans le désert à quelques octomètres d'ici. Les troupeaux sont faciles à trouver. Pour la seconde, ce serait un citoyen de la planète Umala Lumineuse. Ou encore peux-tu chercher à comparer un yuk d'un éridoval, d'un salmandro ou encore d'un lapin. C'est une morphologie très répandue et pourtant physiologiquement ces quatre espèces n'ont rien en commun, lui expliqua Zélé. Tu refuses de me donner raison, conclut Ormaïne. Te donner raison sur quoi à la fin? Demanda Zélé. Tu viens toi-même de me citer plusieurs espèces qui se ressemblent. Alors pourquoi t'a-t-il été si difficile d'admettre que nous sommes similaires? J'ai admis que nous avions des points communs. Pourquoi insistes-tu là-dessus? Tu veux que je te fasse une déclaration écrite? S'énerva Zélé. Je sais même pas ce que c'est, dit Ormaïne. C'est... Oh, Garlog, je m'énerve parce que tu as osé suggérer plutôt que nous puissions avoir des origines communes. N'est-ce pas ce que tu as insinué? Dit Zélé. Mais pourquoi être en colère? Si mon idée est ridicule et bien rigolant, au lieu de me crier dessus. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas dire que si tes concitoyens passaient du temps dans l'oasis, leur peau pourrait bleuir et que toi tu serais comme le maillon, les lions à mon espèce. Ils étaient arrivés à l'oasis depuis un moment maintenant. Leur conversation animée ne s'était jamais stoppée de leur départ de la capitale à leur arrivée près de l'étang, en passant par la descente du véhicule. Aucun d'eux ne s'était assis au bord de l'eau comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils étaient presque restés debout, se faisant face ou effectuant des allées et venues sur la rive. Surtout Ormaïne qui avait l'air de mieux réfléchir quand il était en mouvement plutôt que figé. Son agitation interne demandait une manifestation externe. Zélé avait toujours sa tenue de ville et Ormaïne avait retiré le reste des vêtements de son costume. Il avait également ouvert le haut de la combinaison, celle-ci commençait à le démanger sérieusement. Le baume n'était pas aussi efficace sur lui que sur sa compagne, moins habitué à Upléas qu'il l'était. Zélé lui tournait le dos, s'apprêtait à rejoindre la navette qu'elle avait garée à l'entrée de l'oasis. Elle comptait rentrer au palais, ou peut-être retournerait-elle aux festivités, ils étaient partis si précipitamment. Elle voulait être partout sauf ici, avec Ormaïne qui débitait de telles énormités qu'elle ne pouvait plus les entendre. Ormaïne continua à expliquer sa théorie. « Réfléchis, je ne vois pas ce qu'il y a d'incroyable à ce que je dis. Si mon peuple est gardé en esclavage et que personne dans ta galaxie ne semble au courant, il me semble cohérent que vous pensiez que Nikéas soit une planète morte. Sinon, pourquoi ne serait-elle pas membre de votre comète? Et peut-être que les Upléens viennent de Nikéas. Les espèces peuplant les autres planètes sont très différentes. Pourquoi est-ce que je te ressemble tant, alors? Pourquoi est-ce que je ressemble autant à un autre mâle Upléen, pris au hasard dans la foule, que toi à une femelle? Ils sont tous comme toi et moi, mais ils ne vivent pas dans une oasis. Ils vivent au sec, en permanence. C'est normal que leur peau soit si verte et sèche. Tu me fatigues, Ormaïne. Le ton de la princesse était effectivement las, et elle n'avait plus envie de s'égosiller, c'était inutile. Elle préféra aborder le sujet autrement pour qu'Ormaïne comprît, enfin, que son raisonnement n'était pas valable. J'ai une idée. Le seul moyen de te faire comprendre que la situation sur ta planète n'a rien à voir avec nous, c'est de la retrouver. Même si le vaisseau a l'air totalement hors service et que je n'ai pas réussi à m'y connecter, j'avais demandé à Zoku de l'analyser. Les coordonnées de ton départ sont forcément stockées dedans, et si elles sont récupérables, Zoku y parviendra. Je vais devoir l'informer de ton existence. Mais je n'ai plus le choix, l'identification de ta planète est devenue urgente. » Il ne put la retenir. Zélé avait prononcé sa phrase avant de s'enfuir en courant pour regagner sa navette, et avant qu'Ormaïn n'ait pu la rejoindre à l'aide de Goba, la portière coulissante s'était refermée automatiquement. Le véhicule s'éleva d'abord tout doucement au-dessus du sol, puis de plus en plus, à une vitesse plus importante, quand il se retrouva à la hauteur de la cime des arbres et de l'oasis, le véhicule avança et disparut. Ormaïn resta avec Goba à l'oasis, mais finalement, le Bolbolco regagna le palais. Il n'appréciait de se trouver dans le cratère vert qu'à condition que Zélé s'y trouvât aussi.